Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107FM. Nous sommes le lundi 27 septembre 2021, il est un peu plus de 14h, il est 14h01 même, c'est Chris, vous êtes dans Fréquence Libre et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone Axel Sénéquier, auteur qui est là pour nous parler de son parcours et de sa carrière d'auteur. Donc bonjour Axel. Bonjour Chris, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Très bien, ravi d'être avec toi. Pareillement. Donc, nos auditeurs et nos auditrices sont habitués avant d'entrer dans le vif du sujet. Peux-tu te présenter en quelques mots? Alors oui, donc je m'appelle donc Axel Sénéquier, j'ai 41 ans, je suis alors auteur, j'ai fait beaucoup de pièces de théâtre, de littérature et puis d'essais. Depuis, je suis publié depuis une dizaine d'années et en parallèle, je fais de la formation. Disons que la formation, c'est ce qui me permet de vivre et de financer mon activité d'écriture. Et pour la petite histoire, comme tu l'as dit, on est par téléphone puisque j'habite Paris. Et j'ai trois enfants. Voilà. Voilà, de toute façon, heureusement, des fois, heureusement que le téléphone existe, c'est une bonne invention de temps en temps. Exactement. Donc, comme annoncé en introduction, donc, nous sommes ici pour parler de ton parcours et de ta carrière. Donc, tu l'as dit, tu es formateur et auteur à côté. Donc, quel a été ton parcours personnel pour en être là où tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as fait des études dans ces domaines-là ou pas du tout? Alors, non, ça a été un peu particulier. En fait, j'ai fait, je pense, comme beaucoup de monde, une école de commerce. Je me suis laissé un peu porter par le cours des choses. Donc, j'ai fait une école de commerce. J'ai commencé à travailler dans un cabinet où, en fait, on mettait en place des outils informatiques. Et puis, j'ai un peu dépéri, je me suis dit mais qu'est-ce que je fais là? Moi mes rêves d'enfant, je voulais écrire, je voulais faire la littérature, je voulais faire du théâtre, voilà, moi je rêvais de jouer à la Comédie Française. Et donc au bout d'un moment, je me suis retrouvé un peu sur la bande d'arrêt d'urgence, un peu arrêté. J'avais 29 ans et donc à 29 ans, j'étais alors à l'époque on disait pas burn-out, mais je pense que j'en étais pas loin. D'accord. Donc du coup, j'ai démissionné. Je suis parti, j'ai démissionné de manière un peu sèche. Donc je suis parti sans parachute ni rien, un peu en saut dans le vide. Et à partir de là, à 29 ans, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et finalement, avec le recul, ça a été une période vraiment, vraiment riche et passionnante, puisque c'est là où je me suis dit, qu'est-ce que j'aime faire? J'aime écrire. Du coup, j'ai remis l'écriture au centre de mon quotidien, de mon activité. Je me suis dit, en même temps, écrire, c'est bien, mais à l'époque, ma femme venait de tomber enceinte, donc on allait avoir notre premier enfant. Je me suis dit, l'écriture, si je compte que sur ça, on va manger des patates régulièrement. Donc, bien sûr. C'est quand même une activité qui me permette aussi de vivre. Et donc, je me suis orienté vers la formation. Où je suis indépendant depuis plus de 10 ans maintenant. Je conçois et j'anime des formations en utilisant donc à la fois des choses que j'ai apprises pendant ma formation, pendant mon école de commerce, et en même temps je continue à faire beaucoup de théâtre, donc des choses autour de la prise de parole en public, voilà. Et donc du coup maintenant j'ai trouvé cet équilibre. D'accord, donc justement donc tu es formateur pour l'instant, c'est ton métier, mais donc du coup tu proposes des formations dans quel domaine? Alors, j'ai plusieurs domaines. Je forme des commerciaux, des jeunes commerciaux sur tout ce qui est l'écoute, sur tu vois le traitement des objections, sur la découverte, voilà. Et aussi des jeunes managers. Quand on prend un poste de responsabilité, généralement, on se retrouve un peu balancé comme ça et on dit maintenant tu as 3, 4, 5 personnes à encadrer. Et en fait, je me suis rendu compte que tout ça s'apprenait. C'est vraiment une compétence qui s'apprend, qui se développe. Tu peux apprendre à fixer des objectifs, apprendre à déléguer, apprendre à accompagner quelqu'un. Et puis, c'est vraiment centré sur l'humain. Donc, c'est vraiment une activité que je trouve passionnante, riche. J'ai dit tout à l'heure que c'était un job qui me permettait de vivre, qui était alimentaire, mais pas seulement. C'est vraiment un métier que j'aime profondément. Voilà, j'aime avoir des gens en salle et puis les aider à se développer, développer de nouvelles compétences, résoudre des difficultés, c'est quelque chose qui est humainement passionnant. D'accord, donc c'est un véritable métier passion, du coup, la formation. Aussi, ouais, c'est un métier, effectivement, c'est pas un truc dont je rêvais tout petit, mais quand j'anime mes formations, pour moi, c'est pas une plaie. Tu vois, j'y vais pas à reculons en me disant « Ah c'est horrible, c'est lundi, je vais animer les formations », pas du tout. Mm-hmm. Je suis heureux d'aller en salle, de retrouver des participants et de me dire « chaque journée va être différente, évidemment. Chaque entreprise où j'interviens, les gens sont à chaque fois très curieux et puis hyper intéressants. Si tu aimes les gens, c'est un métier passionnant. D'accord. Et donc justement, donc tout au long de cette heure d'émission, nous allons nous intéresser plus en détail sur ton activité d'auteur. Mais du coup, est-ce que j'ai oublié ma question ? Bon, tant pis, ça me reviendra. Donc, en faisant des recherches en préparant cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que, en tant qu'auteur, tu travailles justement avec le théâtre et avec la littérature en général. Donc, pourquoi avoir pris la décision de toucher à plusieurs genres et de ne pas te cantonner à un seul genre ? Alors, ça c'est des questions intéressantes. Quand je regarde mon enfance, je pense vraiment souvent de là que tout part. Moi, il y a vraiment plusieurs moments où j'ai des espèces d'intuitions. Je me dis, voilà, c'est ça que je veux faire. Quand j'ai lu, je me revois lire, tu vois, la trilogie New Yorkaise de Paul Auster. Je me revois lire des romans de Marcel Pagnol, des choses. Je me suis dit, c'est extraordinaire, c'est ça que je veux faire. Je veux raconter des histoires, je veux transmettre des émotions. J'ai envie de transmettre ça, donc autour de la littérature. Mais j'ai aussi des moments autour du théâtre. Moi, je suis de Montpellier à l'origine. Et je me revois avec ma mère au printemps des comédiens. On était allé voir un Cyrano de Bergerac. Et j'en avais été bouleversé. Donc, j'ai vraiment mélangé les deux. Alors après, est-ce que c'est un peu le côté, maintenant ayant changé de vie, je me dis, j'ai vraiment envie de faire des choses qui me plaisent, tu vois, des choses dans lesquelles je m'éclate, des choses qui m'animent. Et dans les deux, vraiment, je retrouve ce plaisir. Alors, c'est des activités qui peuvent sembler différentes, mais au final, moi, je monte pas sur scène. Je monte pas sur scène. D'accord. Donc j'écris, j'ai fait de la mise en scène, après j'ai produit mes propres spectacles, voilà. Alors je suis pas producteur, mais disons que j'avais envie de faire jouer mes pièces. Et donc finalement tout ça tourne quand même autour de l'écriture. Que ce soit écrire une pièce, même si évidemment après c'est un autre travail de la confier à un metteur en scène, une metteuse en scène, et puis à une troupe de comédiens qui s'en empare, ou d'écrire un livre où pour le coup là tu as fait l'essentiel du travail. Tu trouves un éditeur et tu le confies à quelqu'un d'autre. Donc je dirais dans les deux cas, ça tourne quand même autour de l'écriture. Disons que j'ai pas été capable de choisir. D'accord. Voilà. Ok. Donc ça y est, j'ai retrouvé ma question que je voulais te poser tout à l'heure. Donc est-ce que tu souhaites qu'un jour l'écriture devienne ton métier à proprement dit, ta seule source de revenus, ou est-ce que tu souhaites que ça ne reste qu'une simple passion sans forcément en faire ton métier ? Alors ça, c'est difficile. Ça, c'est vraiment la question que je me pose à peu près trois fois par jour. À l'origine, effectivement, je me suis lancé dans la formation en me disant, il faut j'ai trois enfants, je peux pas juste vivre comme ça de d'amour et d'eau fraîche, il faut quand même avoir des revenus. Mais je me suis rendu compte que, déjà, j'aime profondément ce métier. Et puis, entre l'écriture et la formation, il y a des choses qui sont vraiment complémentaires. Alors, attention, tout ce que je te dis là, je l'avais pas du tout réfléchi à la base. C'était pas, ça s'est fait comme ça, mais c'est pas le produit d'un plan, tu vois, élaboré sur 10 ans. Pas du tout, ça s'est fait de manière un peu empirique. Et en fait, dans la formation, je me rends compte que j'aime être au contact des gens. Je suis face à une salle de 10 personnes, on échange, on partage, on peut travailler sur des problématiques concrètes. Alors que dans l'écriture, par définition, t'es tout seul derrière ton bureau. Et donc je me suis rendu compte maintenant que j'ai besoin de cette espèce de respiration. Quand je fais trop de formation, au bout d'un moment, je me dis j'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires, j'ai envie de revenir à la littérature, au théâtre, ça me manque. Et puis j'écris beaucoup pendant une phase. Et puis au bout d'un moment, je me dis en fait, les gens, c'est sympa quand même. Discuter avec des vrais gens, les voir en salle, pouvoir partager. Et donc la formation me manque. Alors du coup, c'est une question effectivement que je me pose beaucoup. Aujourd'hui, je suis pas sûr si je faisais par exemple un best-seller qui me permettait, tu vois, de vivre que de la littérature, je sais pas si j'arrêterais totalement la formation, parce que me dire, tu vois, on est lundi, attaquer toute la semaine en disant, tu as rien, t'as aucun rendez-vous, aucune deadline, ni rien dans ta semaine, tu vas juste être chez toi à écrire, je sais pas si c'est un cadeau, je sais pas si c'est aussi facile que ça, est-ce que effectivement ça peut faire rêver au début, mais avec le recul, je sais pas, peut-être que je ralentirai un peu le rythme, parce que c'est vrai qu'en fonction des périodes, j'anime beaucoup de formations, je travaille beaucoup, pour me laisser plus de temps pour l'écriture, mais je pense pas que j'arrêterai totalement. D'accord. Voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Si, c'est très bien. Donc, ton activité d'auteur, elle, on peut dire qu'elle a véritablement commencé en 2011 et 2012, années durant lesquelles tu as travaillé sur deux romans jeunesse pour les éditions Fleurus Marne, avec une certaine Astrid, si je me suis bien renseigné. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ces deux romans jeunesse un petit peu? Avec plaisir. Alors c'était particulier puisqu'en fait c'est des romans jeunesse qui sont des commandes. Donc c'est des commandes. J'avais postulé en fait auprès des éditions Fleurus MAM. Ils recherchaient des auteurs jeunesse pour. Ils voulaient lancer une collection autour de grandes personnalités de la foi. Et donc du coup ils m'ont dit est-ce que ça t'intéresserait de travailler dessus. Et alors moi évidemment. J'écrivais déjà beaucoup, je faisais des nouvelles, mais j'étais pas encore publié. Et je me suis dit, c'est une opportunité en or de comprendre le métier, de rencontrer une éditrice, de voir le travail. Et donc, du coup, j'ai écrit deux romans jeunesse, un sur l'abbé Pierre, un sur Jean-Paul II. Voilà, ça a été la première marche. Ça a été vraiment très riche, notamment... en termes de construction d'un roman, voir comment tu le mènes de bout en bout, comment tu comment tu construis, tu vois, une intrigue, même si c'est sur des biographies, il y a quand même effectivement une intrigue à bâtir, il y a un suspense à entretenir, voilà, il y a vraiment une dynamique à créer dans les histoires, et ça a été une opportunité que j'ai trouvée extrêmement riche. Voilà, et les deux bouquins sont sortis en 2011-2012, effectivement. Voilà, ça a été ma première marche et j'en garde un très bon souvenir. D'accord, et je crois également savoir que tu as fait ou que tu fais peut-être toujours énormément de concours de nouvelles. Alors, j'en ai fait beaucoup, effectivement. C'était un peu à la même période, j'étais vraiment dans cette dynamique à me dire. J'ai envie d'écrire, j'ai envie de raconter des histoires, mais c'est vrai que moi je suis pas d'un milieu, il n'y a pas de gens qui écrivent dans ma famille, il n'y a pas d'artistes, donc je me suis retrouvé un peu seul, un peu perdu, à me dire comment on démarche un éditeur, comment on apprend, voilà. Et la méthode la plus efficace finalement que j'ai trouvée, ça a été les concours de nouvelles. Les concours de nouvelles, c'est un peu, je dirais, à toute proportion gardée, un peu comme des courts-métrages pour le cinéma, tu vois, avant de réaliser un film. À moins de t'appeler Xavier Dolan, normalement, tu commences par faire des courts-métrages de 3-4 minutes. Ça te permet d'apprendre le métier, ça te permet de raconter une histoire. C'est un peu la même chose. Donc, j'ai fait beaucoup de concours de nouvelles. Et l'intérêt, c'est que... Alors, y a plusieurs gros intérêts pour les gens qui écrivent à faire des concours de nouvelles. Premièrement, on te demande un thème. On parle souvent, tu sais, la fameuse angoisse de la page blanche, c'est tout à fait vrai. Si je te dis, Chris, écris une nouvelle, tu vas être tétanisé. Par contre, si je te dis, écris une nouvelle sur une histoire de vampire qui se passe au 19e siècle, d'un seul coup, en t'imposant un thème, ça fait surgir des idées. Tu as aussi des contraintes de longueur, donc ça devait faire, 2, 3, 4 pages à 4, chaque concours avait ses particularités, et des contraintes, de délai. Tu devais écrire la nouvelle d'ici la fin du mois, d'ici 2 mois, voilà. Et je me suis rendu compte que toutes ces contraintes sont finalement très aidantes. Le fait d'avoir un cadre, le fait d'avoir des limites, d'avoir des choses qui te contraignent, au contraire, ça te libère. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai appris à écrire. J'en ai fait beaucoup, j'en ai gagné une cinquantaine, mais j'ai dû en faire, peut-être 200-300, je comptais pas à l'époque. J'en ai fait pendant pas mal d'années et j'ai arrêté, j'ai arrêté en 2012 dès l'instant où j'ai été publié. Parce que je me suis dit, les nouvelles, les concours de nouvelles, c'est pour apprendre un peu le métier. Dès l'instant où tu es publié, je me suis dit, je continue à écrire des nouvelles, mais je les envoie directement à un éditeur, pas à des concours. D'accord. Voilà, c'est un peu comme un réalisateur quand tu es passé au long métrage. Tu repasses pas forcément au court métrage une fois que tu as appris la technique. D'accord, donc vraiment ces concours de nouvelles, tu les as fait pour apprendre justement la technique et pour apprendre à écrire. Un petit peu, ouais, parce que c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas d'école d'écriture. Mmh. Ça se développe un petit peu, mais en France, on a un peu ce culte de dire, l'écrivain, il y a un peu le mythe de l'auteur, de l'écrivain, donc il doit apprendre son métier tout seul. Un peu, il y aurait une espèce de, des gens un peu distingués qui seraient touchés par la littérature. Je crois que c'est pas vrai du tout. L'écriture, c'est, euh, c'est vraiment un métier artistique comme un autre. Tu vois, si demain tu veux faire du théâtre, tu vas t'inscrire dans un conservatoire. Si tu veux faire de la peinture, tu vas faire les beaux-arts. Si tu veux faire de la musique, tu vas apprendre avec des cours de solfège et d'instruments de musique. Et en fait, il n'y a que quasiment en littérature où il n'y a pas cette, il n'y a pas d'école. On considère que ça s'apprend tout seul. Et moi, les concours de nouvelles et le travail avec Astrid, effectivement, que tu as cité, ça a été un peu mon école d'écriture. C'est comme ça que j'ai appris à écrire, à raconter des histoires, à mener une intrigue. D'accord. Donc il est 14h16, avant de poursuivre, je te propose de nous lancer tout de suite dans une toute première fréquence musicale, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que tu as choisie, et que nous écoutions le célèbre chanteur Renaud, avec son titre « Ça va gueuler ». Donc pour donner un petit peu les références, comme j'aime bien le faire, et je sais que nos auditrices et auditeurs apprécient également quand je le fais, c'est de la chanson française, du coup c'est Renaud. Elle est sortie en 2019, et elle est tirée de l'album de Renaud intitulé « Les mômes et les enfants d'abord », album sorti le vendredi 29 novembre 2019. Donc on écoute ce morceau de Renaud, et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 3 minutes 30. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. C'est le réveil, je vous manie. Je vais encore être à la bourre pour l'école qui est un peu le bagne. J'ai au moins 7 heures de cours. Cette année, on apprend Charlemagne, la légende du roi Arthur. On parle un petit peu de l'Allemagne. Tout ça, c'est un peu d'aventure. J'ai pas vraiment appris mes leçons. Pas fait les devoirs hier soir à cause de cette télé à la con. Un prime time bien trop ringard. Je me suis couché un peu trop tard en me disant on verra bien. Je vais finir par être en retard. Gagner de la classe, c'est malin. Putain, ça va gueuler. Je vais me faire souffler dans les bronches. Avant d'un site, j'ai une bonne tronche. Mais j'aime pas trop plaisanter. La rue, j'ai déambulé à la recherche d'une connerie à faire. Faut pas me donner trop de liberté, sinon je sais pas quoi en faire. J'irai bien chourer des bons becs à la boulange, au coin de la rue. Une pied mince et aussi sec, en courant comme un chien perdu. Je suis allé acheter mon Spirou, mais j'ai pas de thune, pas un radis. Mes yeux me filent à rien sou, sauf parfois la petite souris. J'ai pas payé mes petits journaux. J'ai planqué sous mon zambou. Même pas un perfecto, que dalle. Je me suis arraché, puis c'est tout. Putain, ça va gueuler. Les commerçants peuvent pas me saquer. Ils pensent un peu qu'à faire du blé sur ma vie de petit paumé. Devant l'entrée, et il joue bien rouge, genre je picole. C'était pour notre sécurité. Alors, comme dirait mon grand frère, que je considère comme un apache, en croisant ce keuf débonnaire, bah j'ai murmuré, bah en vache, il était là, tranquille, peinard, avec son gros calibre et tout, pour nous protéger des barbares, ces drôles d'humains complètement fous. Quand je serai grand, moi j'aimerais bien être policier ou comme frère, un bandit, le grand chemin. Ou encore mieux, un commissaire. Putain, ça va gueuler. Mes parents vont avoir la rage. Ils vont sûrement pas apprécier les professions que j'envisage. Putain, ça va gueuler. Putain, oh putain. Ça va encore gueuler. Vous êtes de retour sur Radio Gamozo, vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers du genre comme la Suisse ou encore l'Allemagne. Il est 14h20 et vous venez d'écouter Renaud avec son morceau « Ça va gueuler ». Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Axel Sénéquier, auteur qui est là pour nous parler de son parcours et de sa carrière d'auteur. Ça va toujours ? Ça va toujours, je suis très heureux d'écouter Renaud, c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément. Bah justement, j'allais te demander, car nos auditrices pardon, et auditeurs sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après une pause musicale, pourquoi avoir choisi d'écouter ce titre de Renaud? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Alors oui, donc évidemment, donc moi j'adore Renaud, je l'écoute depuis, je me revois la première fois que j'ai entendu une de ses chansons, l'album À la Belle de Mai, j'avais 16 ans, voilà, je trouve que c'est vraiment la poésie du quotidien, et je suis content d'avoir... qu'on ait pu écouter ce titre-là, ça va gueuler, parce que bon, déjà c'est un titre un peu moins célèbre de Renaud, je voulais pas en cloque ou un de ses grands tubes. Et je trouve que dans ce titre, il raconte bien, je trouve qu'il n'y a personne comme Renaud qui décrit aussi bien l'enfance. On a une image toujours un peu, tu vois, idyllique de l'enfance, on dirait ah, c'était beau, c'était un paradis. Et en Renaud, effectivement, il a, je trouve, ce génie d'arriver à montrer ça, pas du tout. Bah, il dit, on se fait engueuler, les professeurs nous engueulent, les parents nous disputent, c'est pas toujours facile. La vie d'enfant, c'est pas toujours facile. L'enfance, c'est chouette, et en même temps, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a, voilà, il a ce talent pour dépeindre ça avec une vraie justesse, sans idéaliser, en décrivant vraiment ce que ça peut être. D'accord. Nous sommes en direct, il y a les aléas du direct, je crois qu'on a un double appel à la radio, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre l'antenne pendant quelques secondes, le temps d'aller raccrocher le téléphone à côté, et puis je reviens, d'accord? Ça marche. Ouais. À tout de suite. À tout de suite. Voilà, normalement on sera plus embêté. J'ai réglé le problème. Voilà, ce sont les aléas du direct ici à Radio Gemozo. On ne vous cache rien. Voilà. Donc nous allons reprendre du coup le cours de cette émission. Donc nous en parlions avant la pause musicale, donc dans laquelle on a écouté Renaud, que nous parlons de ton parcours et que tu as écumé pardon plusieurs concours de nouvelles. Et grâce à ces concours, je crois savoir que tu as eu l'occasion de publier un recueil de nouvelles noires en 2012 aux éditions pardon du Petit Pavé, ainsi qu'un recueil de nouvelles contemporaines aux éditions Quadrature pardon en 2014. Est-ce que tu peux nous en parler, nous en dire davantage? Exactement. Bah alors du coup, je te disais, les concours de nouvelles, ça a été un peu mon école d'écriture, mon école de littérature. Comment arriver à écrire un texte, tu vois, qui soit court, qui soit nerveux, finalement, sur la nouvelle, on dit souvent, il reste que l'os. Tu coupes tout le gras, tu gardes que l'histoire pour la rendre hyper nerveuse. Et à partir de là, je me suis dit, au bout d'un moment, j'avais une cinquantaine de nouvelles qui avaient été primées, et je me disais, c'est dommage, finalement. Ces textes ont été lus, ils ont été appréciés par des jurés, peut-être par des lecteurs, des lectrices. Il faut en faire quelque chose. Et donc, j'ai constitué des recueils que j'ai envoyé par la poste. Alors, au début, j'ai pris beaucoup de refus. Enfin, je continue à prendre des refus, mais là, vraiment, au début, j'en ai pris beaucoup. Et du coup, j'ai réfléchi et j'ai adapté un peu ma stratégie et j'ai constitué des recueils thématiques. Au début, tu vois, je mettais des nouvelles primées un peu en vrac. Et c'est comme ça que j'ai appris aussi comment fonctionnait un peu l'édition. J'ai, par exemple, regroupé des nouvelles noires, des nouvelles un peu polar, un peu thriller. J'ai trouvé un thème qui allait bien, donc je l'ai baptisé « Une heure à tuer ». Et là, pour le coup, je l'ai envoyé, il a été effectivement publié aux éditions du Petit Pavé. Et j'ai ensuite constitué un deuxième recueil de nouvelles plus contemporaines. Je me suis interrogé sur le thème. Alors, c'était pas, c'était pas voulu à l'origine, le thème du héros. D'accord. Ça s'est un peu imposé quand j'ai relu mes nouvelles. Tu vois, c'est marrant quand même, la littérature, tu écris des nouvelles sans te poser de questions, et au final, tu as quand même des thèmes qui surnagent. Donc ça parle un peu de ton inconscient, puisque, voilà, de ce que tu es un peu profondément. Et là, moi, ce qui m'interroge, ce qui me fascine, ce qui me questionne, c'est vraiment les héros. qu'est-ce qu'être un héros, qu'est-ce qui fait qu'on y a des gens qu'on admire, qu'on a envie qu'on a envie de copier, qui nous inspire. Et donc j'ai constitué un deuxième recueil de nouvelles autour de ces thèmes qui se sont dégagés, que j'ai baptisé « Les vrais héros ne portent pas de slip rouge », avec donc une connotation un peu humoristique pour voir qui sont les vrais héros du quotidien. Et cette fois-ci, effectivement, celui-là a été accepté aux éditions Quadrature. Et je précise, c'est un peu ma fierté, tous mes bouquins sont systématiquement partis par la poste. Tous mes manuscrits partent par la poste, voilà, je ne vais pas passer par des amis, voilà, donc il y a encore des éditeurs qui ouvrent les enveloppes, qui lisent les manuscrits et qui acceptent des textes, voilà, si ça peut rassurer des gens qui écrivent. Bien sûr. Mais voilà. Donc justement, quand on parle de nouvelles noires, peut-être que nos auditrices et auditeurs se posent la question, qu'est-ce qu'une nouvelle noire ? Alors une nouvelle noire, c'est effectivement une nouvelle un peu comme un polar, un thriller, qui se caractérise par un côté un peu saignant, sanglant, il faut qu'il y ait un meurtre, ou il faut qu'il y ait un crime, qu'il y ait un peu de torture, voilà. C'est pas un polar forcément dans le sens enquête de police, c'est plutôt du Stephen King ou du Maxime Chatham. Toute comparaison, évidemment, gardée. Bien sûr. Et donc maintenant, je te propose qu'on va s'intéresser un petit peu au théâtre, du coup, vu que tu travailles aussi pour le théâtre. Et donc, nous l'avons un petit peu abordé un peu plus tôt dans cette émission. En parallèle, tu as également étudié et écrit pour le théâtre et l'improvisation théâtrale au Square Planchat, ou au Cours Florent, ou encore dans la compagnie Pirazzoli, et même à l'EFIT, c'est l'école française d'improvisation théâtrale. Donc, oui. Pourquoi avoir fait ce choix? Était-ce de commencer le théâtre? Est-ce que c'était par simple curiosité, ou est-ce que c'était pour avoir une chance, en quelque sorte, de devenir comédien? Alors, enfant, je t'aurais peut-être dit, ou enfant ado, je t'aurais dit, ah ouais, j'aimerais être comédien. Maintenant, pas du tout. Non, je me suis intéressé au théâtre. J'ai toujours été un dingue de théâtre. J'ai toujours adoré le théâtre. J'ai des souvenirs d'enfance allant au festival Off d'Avignon. C'est vraiment quelque chose qui m'a toujours intrigué. Ce côté où finalement on se met à nu, on monte sur scène, on se dévoile, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Et puis en plus, ce que je trouve incroyable dans le théâtre, c'est cette régularité. C'est-à-dire que au cinéma, tu fais une prise, si elle n'est pas bonne, on peut la reprendre une deuxième, une troisième fois. Le théâtre, tu vois, il n'y a pas de seconde chance. Si tu te plantes, les spectateurs sont devant et t'ont envie de planter. Mmh. Et en plus, c'est pas qu'une seule fois, c'est-à-dire que il faut que tu sois bon lundi, mais il faut que tu sois bon le mardi, il faut que tu sois bon le mercredi. Donc c'est sans arrêt se remettre en question. Donc c'est vraiment quelque chose qui me fascine. Je me suis effectivement inscrit au théâtre. J'ai suivi beaucoup de formations différentes que tu as citées. Pas dans une optique de devenir comédien professionnel, mais vraiment pour comprendre, et puis aussi par passion, parce que vraiment j'aime ça. Et notamment, au bout d'un moment, j'ai découvert l'improvisation théâtrale. J'en ai fait plusieurs années. L'improvisation théâtrale, pour moi, regroupe tout ce qui est la richesse du théâtre. C'est-à-dire que tu as à la fois tout ce qui est dans le théâtre classique, entre guillemets, c'est-à-dire le fait d'être sur scène, de projeter sa voix, d'avoir un public, de vivre ses émotions en direct avec la salle, et en même temps l'improvisation qui est d'une certaine manière l'écriture. Parce que finalement, quand tu montes sur scène, en improvisation, tu dois tout écrire. C'est-à-dire que tu es à la fois l'auteur de la pièce, tu es aussi le metteur en scène, tu es le comédien, donc tu dois tout gérer, et c'est à la fois, tu l'imagines, totalement flippant, et en même temps, c'est une expérience absolument passionnante. Bien sûr. Et donc, une année qui a été importante dans ta vie également, en matière de théâtre, c'est l'année 2013. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour toi cette fameuse année 2013 ? Alors, l'année 2013, effectivement, j'ai fait jouer ma première pièce. Donc, c'était un monologue scénique sur la vie d'Edmond Rostand, justement avec Yann Chevalier, qui était un copain d'improvisation. Je suis donc un dingue d'Edmond Rostand, tout ce qu'il a pu écrire, que ce soit Cyrano, Chanteclair, L'Aiglon. Je trouve qu'il a vraiment une plume, évidemment, extraordinaire. Mm-hmm. Et il travaillait des thèmes qui me préoccupe aussi, tu vois, le héros, les rêves, l'enfant, c'est vraiment des choses qui sont dans lesquelles je me retrouve totalement. Et du coup, j'ai écrit une pièce qui racontait sa vie, où en fait Edmond Rostand racontait son parcours, puisque effectivement, avec la littérature, quand on écrit, on se livre beaucoup. Typiquement, dans Chanteclair, évidemment, il parle de lui. C'est ce fameux coq, tu sais, qui pense que son chant fait se lever le soleil, et qui donc est tétanisé tous les matins de se dire, est-ce que je vais réussir? Et là, évidemment, c'est Edmond Rostand qui parle de lui-même, après avoir écrit Cyrano de Bergerac, tout le monde lui dit, ben voilà, vas-y, refais-nous un chef-d'œuvre. Il était tétanisé par cette pression de devoir refaire des choses extraordinaires. Et donc, j'avais créé une espèce de, comment dire, de parallèle entre à la fois le récit de sa vie, toutes ces anecdotes, évidemment, il a une vie incroyable, éclairé par des extraits de ses pièces, par son discours de réception à l'Académie française, par sa correspondance, voilà. Ce qui donnait un écart, c'était une pièce, un monologue scénique. On l'a joué pendant 2 ans. Elle a été jouée à Paris, elle a tourné un petit peu à Nantes aussi. Ça a été la première fois où je voyais ma pièce sur scène, et en plus en hommage à Rostand, qui a une telle importance pour moi, ça a été un kiff, comme on dit. Bien sûr, j'imagine. Donc, il est 14h31. Avant de poursuivre à nouveau, je te propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle fréquence musicale, dans une deuxième pause musicale que tu as choisie une nouvelle fois. Comme ça, j'essaie d'en placer une à peu près tous les quarts d'heure. Et que nous écoutions, du coup, Orelsan. Ça tombe bien, on en passe très peu ici à Radio Guimauzo, avec son titre Si Seul. Une nouvelle fois, pour donner les références, cette chanson est une chanson plutôt typée rap. Elle est sortie en 2011 et elle est tirée de l'album Le Chant des Sirènes. Il s'agit du deuxième album studio d'Orelsan. Et cet album est sorti le lundi 26 septembre 2011. Ça a donc fait 10 ans hier. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après, d'ici un peu plus de 4 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo, et surtout n'hésitez pas à réagir sur notre page Facebook, à passer un message à mon invité pour que je lui retransmette. Voilà, à tout de suite. Vraiment bien, des fois c'est du bluff, des fois je fais des blocages, je parle pas de faire du smurf, rien de neuf, à part un coup de vieux dans les rues de ma ville, je dors plus la nuit, je dialogue avec une machine, je sors de chez moi sous les insultes de ma voisine, elle a pas de voiture mais sa vie c'est surveiller sa place de parking, quand je pense qu'elle a traversé le temps pour ça je ressens tellement de pitié, vieillir me fait vraiment flipper, quand je grandissais je remplissais des trous avec du vide, je peux pas devenir le plus intelligent, je serais le plus stupide, je portais l'adolescence comme un fardeau, passe-moi une craie blanche, je veux plus noir sur le tableau. Passe-moi des explosifs, une masse ou un marteau. J'en ai marre d'escalader la pyramide de Maslow. Je transpire à grosses gouttes chaque fois que le jour se lève. Je passe mes nuits à courir après mes rêves. Dans des files d'attente, y'a toujours un papier qui manque. Numéro 4, ça tombe bien, j'ai pris le 60. Les jaloux croient que je suis blindé, c'est pas la vie de ma banque. De toute façon, j'habite à Caen, j'entends que la pluie battante. Le trésor public doit être rempli d'amiante. J'ai mal au crâne quand on parle de remplir mes fiches à temps. Je prends le volant après 15 vodka, je conduis bizarrement. Je parle de Super Mario Kart sur Wii, évidemment. En ce moment, je vois moins mes potes qu'à l'époque. Je commence à saturer de raconter les mêmes anecdotes. J'essaye le plus possible de voir mes grands-parents. Je me sens tellement feignant quand j'écoute leurs histoires du temps d'avant. Souvent absent, j'ai la tête ailleurs. Je m'entends parler sans conviction comme si je me voyais de l'extérieur. Toujours 60 minutes de retard au compteur. Tous les soirs, je m'égare dans la 25e heure. Je me sens si seul. Pourtant, je me sens si seul. Pourtant, je me Vous êtes de retour sur Radio Guémozo. Vous êtes toujours bien sûr en direct. Il est 14h36. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et même sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/partout-en-France et peut-être même dans les pays frontaliers comme je le disais tout à l'heure. Nous espérons vous apporter un petit peu de lumière dans ce temps, avec ce temps un petit peu gris en tout cas du côté du Grand Est. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Axel Sénéquier, auteur, qui est là pour nous parler de son parcours et de sa carrière d'auteur. Est-ce que tu passes un bon moment à notre compagnie, Axel ? Excellent. Renaud, Aurel, Sam, moi je suis comblé. Parfait. Merci. Avec plaisir. Et donc, même question que pour la première fréquence musicale, car je le rappelle une nouvelle fois, c'est toi qui as choisi cette chanson de Aurel San. Pourquoi avoir choisi ce morceau du coup de Aurel San ? Alors, oui, effectivement, tu as dit au début que c'était du rap, c'est vrai, mais en même temps, moi je suis pas très client, tu vois, du rap un peu hardcore. Et par contre, j'aime énormément Aurel San, effectivement, bah, tu l'as compris, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment l'écriture. Et je trouve qu'il a une écriture incroyable. Là, typiquement, par exemple, dans cet extrait, dans cette chanson, il parle de sa dépression. Donc, tu vois, je trouve qu'un rappeur qui parle de sa dépression, de sa solitude, le fait d'être tout seul, malgré le fait d'être entouré de gens, voilà, je trouve qu'il est très sincère, il triche pas, il parle vraiment du quotidien et... effectivement, il est classé dans la catégorie rap. Pour moi, c'est un peu dans la même branche que Renaud. Tu vois, je dirais plutôt c'est limite de la chanson française. D'accord. Ok. Ouais. Donc, nous allons reprendre le cours de cette émission. Donc, avant cette pause musicale, nous parlions de ton écriture du coup pour le théâtre. Et donc, je crois savoir pour mettre en scène ta pièce concernant Edmond Rostand, que tu n'as pas trouvé de manuel pour apprendre la mise en scène. Et donc, ça fait que tu as écrit toi-même en 2016 le premier manuel de mise en scène pour les passionnés de théâtre, paru aux éditions L'Entretemps. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça le parcours. J'ai mis en scène Edmond Rostand, et donc du coup, Edmond Rostand survivra Cyrano, la pièce s'appelait comme ça. Et je me suis dit, je cherchais un peu des idées, je cherchais des trucs, des astuces, tu vois, pour mettre en scène. Et je me suis rendu compte que Edune, il n'y avait quasiment pas de formation, quasiment pas d'école, ou très très peu. Il y a 2-3 personnes qui sont formées au conservatoire supérieur par-ci par-là, mais dans l'ensemble, c'est vraiment anecdotique. Et il n'y a même pas de bouquin. Il n'y a pas de livre. On considère en France, de façon assez surprenante, qu'en fait, la mise en scène ne s'apprend pas. Et c'est un truc vraiment que je comprends pas, parce qu'on considère d'ailleurs que c'est vraiment la mise en scène de théâtre, puisqu'il y a des écoles de cinéma pour faire la mise en scène de cinéma, il y a des livres sur le cinéma, mais sur le théâtre, il n'y a rien. Alors que, encore une fois, même chose que pour l'écriture, évidemment, ça s'apprend, ça se travaille. Des choses toutes bêtes, comment positionner des comédiens sur un plateau, comment les déplacer, comment tu crées les décors, les costumes. Finalement, tu peux prendre 2 personnes, tu les montes sur des tréteaux, ils déclament de la poésie, elles déclament de la poésie, c'est du théâtre. Comme tu peux avoir le puits du fou, des animaux, de la pyrotechnie, 1500 figurants, c'est du théâtre. Dans les deux cas, il y a à la fois une partie artistique, mais aussi une partie technique, qui s'apprend comme n'importe quelle discipline artistique. Si demain tu veux apprendre à jouer du piano, tu vas d'abord te taper le solfège, les gammes, voilà. Et donc, de manière très étrange, j'ai jamais compris pourquoi, en France, on considère que la mise en scène de théâtre ne s'apprend pas. Voilà, on considère que c'est inné. Partant de ce constat, je me suis dit, non, moi je pense exactement l'inverse. Du coup, puisque ce manuel n'existe pas, je vais l'écrire. Donc je me suis plongé dans le théâtre, notamment dans... j'ai analysé pas mal de pièces que j'étais allé voir. Et puis, je me suis aussi appuyé, comme tu l'as dit au début de l'émission, je suis formateur sur ma formation. Donc, du coup, j'ai beaucoup travaillé la pédagogie. Comment rendre un propos, tu vois, très didactique, très simple. Et j'ai essayé d'étudier toutes les approches d'une pièce de théâtre. Donc, d'abord, on part du texte. Qu'est-ce qu'on peut jouer ? On peut jouer une pièce, évidemment, mais tu peux jouer aussi de la poésie, tu peux jouer des chansons. Quelle est la forme de la scène entre jouer dans un théâtre ou même jouer dans une arène, avec des spectateurs tout autour, ça change radicalement ta mise en scène. Je me suis interrogé sur la musique, les décors, les costumes, comment on dirige les comédiens, comment on crée une mise en scène. Et j'ai écrit effectivement ce manuel de mise en scène que j'ai envoyé. Alors là, j'ai eu de bons retours parce que je l'ai envoyé à 10 maisons d'édition et j'en ai 3 qui m'ont contacté. Donc c'est vraiment c'est la bonne nouvelle, c'est que je suis pas le seul à penser que il faudrait apprendre la mise en scène. Et il a été effectivement publié aux éditions L'Entretemps. Voilà. Pour la petite anecdote, il se vend bien tous les ans, il s'en vend 500 exemplaires avec une régularité. Même l'éditrice que j'ai régulièrement au téléphone me dit, bah oui, tous les ans, on réimprime parce qu'il se vend très bien, donc ça me fait très plaisir. Voilà. Mais effectivement, encore à ce jour, c'est le premier manuel de mise en scène théâtrale, et à ce jour, c'est le seul. Voilà. Donc si vous voulez apprendre la mise en scène, il y a mon bouquin. Voilà, donc c'est le seul, donc j'imagine que du coup, vu que c'est le seul, comme tu dis, c'est assez gratifiant pour toi, du coup. Ouais, ah oui, c'est une vraie fierté. Oui, effectivement, c'est une fierté. Moi, je pensais, pour être transparent, je pensais que ça allait ouvrir un peu le bal à d'autres maisons d'édition qui allaient dire, bah, bien sûr, on va constituer d'autres, on va lancer d'autres manuels, mais en fait, non, il n'y a que le mien, donc je sais pas, bon. Voilà, c'est comme ça. Il est un peu seul sur les rayons théâtre des librairies, mais voilà, effectivement, c'est peut-être le bouquin dont je suis le plus fier. Je comprends pourquoi. Donc maintenant, je te propose de faire un petit bond en arrière de quelques années et de revenir à ton année de CM2 en école primaire. Donc je crois savoir justement que tu as joué la fameuse tirade du nez de la pièce Cyrano de Bergerac, dans laquelle il dit, par exemple, voilà, c'est une péninsule, voilà. Ça fait longtemps que j'ai appris ça, donc je m'en souviens pas forcément. Et donc, du coup, Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, est encore là. Donc, est-ce que c'était un choix de ta part de jouer cette fameuse tirade du nez, ou est-ce que ça t'a été imposé? Ça m'avait pas du tout été imposé. Au contraire, je me revois avec Marie-Lise, ma maîtresse de CM2. J'avais découvert Edmond Rostand et donc Cyrano, comme je te le disais, au festival, au printemps des comédiens avec ma mère. J'avais été époustouflé, donc du coup je l'avais acheté, je le lisais, j'avais appris par cœur. Et donc la maîtresse avait dit, bah, si tu veux, tu peux la jouer sur scène pendant le passage du CM2 à la 6e. Et donc je l'avais joué. Ça avait été c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ma fille vient d'entrer en 6e. Alors tu vois, il y a des choses qui sont quand même étonnantes. Et oui. Et l'année dernière, elle a écrit une pièce de théâtre. Elle a écrit une pièce et donc elle l'a faite jouer. Pareil, pour la fin de l'année, la fin du CM2 et le passage en 6e, dans son école, ils ont un atelier théâtre. Elle a écrit la pièce et elle a été interprétée. Voilà, elle a été jouée devant les élèves de son école. Et je me dis, bah, tu vois, voilà, 30 ans après, on est encore dans la famille, on est encore à faire du théâtre finalement. Voilà. On reproduit un peu des schémas à 30 ans d'écart. Bien sûr, elle a marché dans les traces de son papa, du coup. Un petit peu, ouais. Ça me fait très plaisir. J'imagine. Donc maintenant, du coup, maintenant que ce petit bond dans le passé est passé, justement, nous allons du coup revenir un peu plus récemment à l'année 2016. Donc en septembre 2016, plus précisément, tu as écrit ta deuxième pièce de théâtre intitulée « Comme un lundi » et qui a été créée à Paris. Exactement. Donc là, on est en 2016. Alors, voilà, c'était ma deuxième pièce de théâtre. J'ai vraiment passé un cap, puisque cette fois-ci, il y avait 5 comédiens, dont un enfant. Mm-hmm. Il y avait un metteur en scène, donc c'est pas moi qui ai fait la mise en scène. Et c'est alors, bon, on reste un peu toujours autour des thèmes qui me travaillent, qui sont les rêves, l'enfance. C'est l'histoire d'un garçon qui a 29 ans. Tu vas voir, d'un point de vue psychologique, c'est intéressant à étudier. C'est un garçon qui a 29 ans. Je te rappelle, j'ai démissionné à 29 ans, mmh. Et qui est dans un cabinet de conseil, donc comme j'ai été, et qui en fait, à l'occasion d'un événement familial, retourne dans sa chambre d'ado, et dans sa chambre d'ado, il va retomber sur l'enfant qu'il était. D'accord. Et évidemment, cet enfant, qui a 12 ans dans la pièce, va lui demander des comptes. Il va lui dire, ben voilà, moi justement, j'avais de grands rêves, voilà. Et il va lui dire, ben maintenant que toi tu es adulte, qu'est-ce que tu es devenu ? Et donc, quand l'enfant va se rendre compte que peut-être tout ce qu'il détestait à 12 ans, tout ce qui peut un peu nous faire peur, tu vois, avoir le métro, boulot, dodo, ce genre de choses. Et ben, adulte, c'est exactement ce qu'il attend. L'enfant va être horrifié, il se met à engueuler l'adulte, et donc l'adulte se pose beaucoup de questions, le Pierre-François adulte se pose beaucoup de questions, sa vie vole en éclats. C'est une comédie sur les rêves d'enfance et le passage à l'âge adulte, comment on se respecte, comment on se trahit, parce qu'on se trahit tous un petit peu, et en même temps, je pense que c'est vraiment une grande question à se poser. Si je revoyais l'enfant que j'ai été, qu'est-ce que je lui dirais? Qu'est-ce qu'il me dirait? Est-ce que je serais fier de mon parcours? Est-ce que je me dirais, bon là, j'ai un peu déconné? Est-ce que j'assumerais tout? Je pense qu'on n'est jamais 100% fier, mais on n'est jamais non plus 100% honteux, on s'est jamais totalement trahi. On est un peu dans un mix des deux, ouais, peut-être que c'est ça, grandir en fait, devenir adulte. Peut-être. Et donc justement, quand tu as écrit cette pièce du coup de théâtre, est-ce que tu avais cette volonté de faire comme une biographie ou une autobiographie, ou pas du tout? Non. Alors honnêtement, non. Je pense que c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure sur la littérature, c'est inconscient. C'est inconscient finalement quand t'écris, même quand t'écris sur des choses très éloignées de toi, tu parles toujours de toi. Voilà, tu te regardes un petit peu de nombril. Donc non. C'est sûrement, comment dire, des choses qui m'ont traversé. Voilà, c'est pas un hasard si la personne, si le héros Pierre François est consultant. J'ai été consultant. Si il se pose des questions à 29 ans, j'ai démissionné à 29 ans. Voilà, il y a sûrement évidemment des parallèles, mais non, c'était vraiment inconscient. Mais il y a probablement une bonne partie d'autobiographie que là-dedans, t'as raison. D'accord. Ensuite, du coup, en 2018, tu as écrit Chante Claire, donc tu as un petit peu parlé un peu plus tôt. Du coup, c'est un solo joué successivement à Avignon, puis à Paris, tu l'as dit aussi un peu plus tôt. C'est un seul en scène tiré du chef-d'œuvre d'Edmond Rostand. Voilà, donc ça a été... Alors attention, c'est une autre pièce. Cette fois-ci, c'était Chante Claire, donc la pièce d'Edmond Rostand. Tout à l'heure, j'avais fait un seul en scène sur la vie. Là, c'était vraiment juste sur Chante Claire, qui est un chef-d'œuvre qui est totalement injouable, parce qu'il y a plus de 100 personnages, c'est que des animaux. Et donc, du coup, j'en ai fait un seul en scène pour pouvoir le faire jouer, le faire représenter. Effectivement, il a été joué à Paris et puis deux fois à Avignon. Voilà, ça a été même chose, l'occasion de voir les vers de Rostand joués par Henri Saint-Macary. Ça a été magnifique. Et cette année, en 2021, tu as publié plusieurs romans. Tu as écrit tu as sorti un livre de développement personnel intitulé « Décrocher les étoiles ». Et également, en avril 2021, du coup, tu as publié un nouveau recueil aux éditions Quadrature, recueil intitulé « Le bruit du rêve contre la vitre ». Donc, pourquoi, du coup, de quoi tu parles dans « Décrocher les étoiles » et dans, du coup, « Le bruit du rêve contre la vitre » ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, dans « Le bruit du rêve contre la vitre », c'est un recueil de nouvelles. Donc, je te dis, depuis que j'ai finalement fait beaucoup de concours de nouvelles, j'ai gardé cette fibre à écrire des nouvelles. C'est vraiment, je trouve, une forme d'écriture qui est extraordinaire. Il faut que ça soit court, il faut que ça soit nerveux, il faut que ça soit ramassé. Et je me suis retrouvé l'année dernière, en mars 2020, avec le premier confinement. Donc, j'étais à Paris, confinement un peu hardcore avec mes enfants, ma femme dans l'appartement. Et du coup, évidemment, toutes les formations sont arrêtées. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain, quasiment totalement désœuvré, à me dire, qu'est-ce que je fais de mes journées, et en plus à contempler ce qui se passait dans le monde, un peu comme tout le monde finalement, en étant totalement effaré, en me disant, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette pandémie, ces mesures radicales, le monde qui s'arrête, et j'ai eu besoin d'écrire dessus pour le mettre à distance, pour créer un peu de distance avec ça, et donc il s'est passé en fait tellement de choses que je me suis dit, je peux prendre quasiment chaque thème et en faire une nouvelle. Donc j'ai parlé des violences conjugales, tu vois, des femmes qui étaient confinées avec leur conjoint violent. J'ai parlé des gens qui sont allés s'investir bénévolement dans les EHPAD. J'ai parlé de ce qui m'est arrivé, me retrouver obligé de faire l'école à la maison. Et donc finalement, du jour au lendemain, découvrir qui sont vraiment tes enfants avec qui tu cohabites, mais c'est pas la même chose de cohabiter avec eux et puis d'essayer de leur faire l'école. Ça a été une expérience surprenante. J'ai parlé. Il y a à la fois des thèmes qui sont un peu lourds, évidemment. Il y a la mort, la maladie, le Covid, mais il y a aussi des thèmes peut-être plus légers. Il y a eu les ateliers Zoom, il y a eu le télétravail, voilà. J'ai essayé de traduire tout ça dans des nouvelles. Le recueil s'appelle « Le bruit du rêve contre la vitre ». C'est un peu le bruit que font nos rêves quand ils se cognent contre les vitres fermées. Tu vois, ils essayent de s'enfermer. Là, pour le coup, on a été bloqués pendant 2 mois dans nos appartements. Mmh. À se dire, qu'est-ce que je fais, comment je m'échappe. D'accord. Voilà. Donc il est 14... Oui. Pardon. Vas-y. Non, j'allais dire qu'il était 14h50, que nous arrivons déjà bientôt à la fin de cette émission, mais j'allais te proposer de nous lancer dans une dernière pause musicale que tu as choisie, du coup. Gauvin Serre, avec son titre La langue de Prévert. C'est un titre que j'apprécie, un titre, un chanteur que j'apprécie beaucoup également. J'ai d'ailleurs son album dans lequel apparaît le titre que nous allons écouter. Donc, pour donner les quelques références, cette chanson est encore de la chanson française. Elle est sortie en 2019 et elle est tirée du premier album studio de Gauvin Serre, album intitulé Les Oubliés, Album sorti le vendredi 29 mars 2019 et le vendredi 8 novembre 2019 pour la réédition. D'ailleurs, petite anecdote, Gauvin Serre a été repéré en 2016 par Renaud, que nous avons écouté un peu plus tôt dans cette émission, qui lui a proposé de faire la première partie de sa tournée, ce qui a donc permis de lancer véritablement du coup la carrière de Gauvin Serre. Donc on écoute ce morceau et on se retrouve juste après pour la suite et déjà la fin de cette émission. Donc à tout de suite sur Radio Gamozo. De lycéen, un peu perdu et dans ton coin, toujours assis au fond de la classe, pas très à l'aise dans tes godasses, sûr qu'on se cherche à cet âge-là, mais la jeunesse est faite pour ça, tu te réfugiais dans les chansons, pour l'évasion, pour les frissons, et puis un jour t'as découvert la force de la langue de Prévert. T'es plongé dans les études pour apaiser les inquiétudes de ceux qui te payent le loyer comme une balle à renvoyer. Bientôt passé l'adolescence, toujours dans le sac à dos les sciences, mais ta passion c'est l'écriture, les pattes de mouche et les ratures, et en cachette t'écris tes vers, bien sûr dans la langue de Prévert. Croupir au bureau, mal dans tes fringues, mal dans ta peau, de ne jamais avoir osé claquer la porte sans te retourner. Un jour t'as pu saisir ta chance avec la bonne dose d'insouciance, pour pas finir aigri et vieux, des tonnes de regrets dans les yeux. Entre la tendresse, la colère, tu chantes dans la langue de Prévert. Sont alignés quand tu repenses au lycéen, t'aurais pas parié ton destin, mais comme ton truc c'est la musique et pas leur foutue statistique, quel que soit le son du moment, tu marches à côté tranquillement et tu te sens libre comme l'air, toujours dans la langue de Prévert. Tu te sens libre comme l'air, toujours dans la langue de Prévert. Gauvin Serre avec son morceau La langue de Prévert sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour, nous sommes toujours en direct, il est 14h54. Vous nous écoutez toujours sur le 107 FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio et sur notre site internet https://radiogamozo.radio-website.com/partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie par téléphone de Axel Sénéquier, auteur, qui est là pour nous parler de son parcours et de sa carrière d'auteur. Tout est toujours bon pour toi ? Parfait. Tout va bien. Parfait. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, tu es habitué désormais. Pourquoi avoir choisi cette chanson de Gauvin Serre ? Parce que tu l'as dit justement, effectivement, je l'ai découvert moi aussi quand il a fait la première partie de Renaud. Mm-hmm. Et puis, c'est vraiment un chanteur que j'apprécie énormément. Et puis, je trouve que cette chanson-là est vraiment emblématique de parcours que finalement beaucoup de gens ont. Tu fais un peu les études pour faire plaisir et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que ce qui t'anime, c'est quoi ? C'est la langue de Prévert. Donc je me suis beaucoup retrouvé dans cette chanson la première fois que je l'ai entendue. D'accord, tout simplement. Donc, comme annoncé avant cette pause musicale, nous arrivons malheureusement déjà à la fin de cette émission, donc nous allons devoir conclure. Si nous voulons te suivre, suivre l'avancée de ta carrière et pourquoi pas nous procurer tes ouvrages, comment pouvons-nous faire ? Alors, mes ouvrages, normalement, ils sont tous en librairie. Alors, je sais que même s'ils ont été publiés il y a longtemps, normalement, ils sont tous disponibles partout. J'en ai un dernier, d'ailleurs, qui vient de sortir en septembre. L'actualité est encore récente. Et si vous voulez juste suivre mon actu, moi j'ai une chaîne YouTube, je fais une petite chronique le vendredi soir. Ma chaîne s'appelle Axel Sénéquier, la chronique s'appelle Ne laissez pas vos rêves sans surveillance. Je raconte, je donne un peu mon point de vue sur le monde, puisque je regarde le monde avec un peu de tendresse et d'amusement. Donc, et après évidemment je suis aussi sur Facebook, enfin n'hésitez pas. Si vous voulez me trouver, vous me trouverez avec grand plaisir. De toute façon, je mettrai tous les liens utiles en podcast de cette émission demain dans la journée. Donc le lien de ta chaîne YouTube, le lien de ta page Facebook, de ton site internet, etc., etc., pour que les gens puissent te retrouver facilement. Merci. Avec plaisir. Donc qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter ? Comme je te disais, là j'ai un nouveau bouquin qui vient de sortir, donc je suis dans cette actu. Et puis sinon, moi tu sais, je continue à écrire. Là, je continue à écrire. Les formations m'occupent pas mal, mais du coup, je réserve beaucoup de temps pour l'écriture. Donc, je crois que si on refait une émission dans 10 ans, on peut espérer, j'essaye de garder un rythme, tu vois, d'un bouquin par an. Donc, peut-être que j'aurai 10 nouveaux bouquins à te présenter dans une dizaine d'années. Vas-y, on fait ça. Si je suis toujours ici... On prend date. De toute façon, on leur discutera. Donc, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte ? Non, merci beaucoup. J'aime beaucoup l'Est. J'étais encore à Nancy la semaine dernière, donc j'embrasse tous les auditeurs auditrices du Grand Est. Tout simplement, le message est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc je te remercie une nouvelle fois, Axel, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quitte pas, je te récupère au téléphone juste après hors antenne. Avec plaisir. Cette émission sera rediffusée demain, mardi à 18h, avec le podcast de cette émission. Postée demain sur notre page Facebook dans la journée. Et si tu veux, je pourrais même te l'envoyer par mail, pour si tu veux la récupérer, la partager. Volontiers, je le ferai. Merci, Chris. Avec plaisir. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guimauzo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. En attendant, je vous laisse avec Gérard et Salut les 60 d'ici quelques minutes à 15h qui nous parlera de l'année 1963. Quant à nous, nous nous retrouvons demain, mardi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre dans laquelle je recevrai dans nos locaux à Saint-Étienne-les-Remiremont Pascal Georgel de la toute jeune association Everybody Dance qui sera là pour nous parler justement de cette association. Donc merci de votre fidélité. Il était à Radio Guimauzo et du coup moi je vous dis à demain. Donc salut et à demain. Merci, à demain.